France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Le blé, le bois, le coton, le cuivre, le sucre ou encore le caoutchouc. En 1980, sur France Culture, la communauté des radios publiques de langue française retraçait par une série de 10 épisodes l'épopée des matières premières. C'était sur celle de l'or que s'ouvrait cette série. Du pactole de Crésus à l'or de Sibérie de Staline, de l'Alaska sur les traces de Jack London aux mines d'Afrique du Sud, historiens, économistes et orpailleurs invitaient les auditeurs à un passionnant voyage dans le temps et l'espace à la recherche du précieux métal qui, partout sur la planète, depuis des millénaires, a fasciné les hommes jusqu'à les rendre fous bien souvent. Communauté radiophonique des programmes de langue française. L'épopée des matières premières. Une suite d'émissions d'Olivia Zemmour, Michel Pierre et Daniel Wolfram, réalisé par Olivier Dorère. Aujourd'hui, l'or. L'or, ça monte et ça baisse. L'or, ça monte et ça baisse. L'or, ça monte et ça baisse. Cayenne, Guyane française, août 1979. Rencontre avec Monsieur Gustave Thomas, ancien orpailleur. Comment êtes-vous devenu chercheur d'or ? Eh bien, les souvenirs d'orpailleur, j'en ai pas mal de souvenirs, puisque, pour ainsi dire, j'ai travaillé très jeune de l'or. Je suis issu d'une famille d'orpailleurs, donc j'ai été élevé dans ce domaine-là. J'ai commencé à travailler à l'âge de 17 ans, seul, avec un jeune de mon âge. On a décidé comme ça d'établir notre propre chantier. C'est comme ça que j'ai démarré l'orpaillage. Vous avez dû rencontrer des pionniers de la ruée vers l'or. Comment vivait-on à l'époque héroïque des premiers chantiers ? Ah oui, ça, vous savez, c'était la conversation... quotidienne, si vous voulez, parce que les vieux, ils aiment beaucoup raconter leurs vieilles histoires d'antan pendant leurs moments de loisirs. Parce que l'orpailleur en lui-même, c'était un être très gai, sans souci, vraiment un homme libre qui ne se rattachait à rien, qui faisait son travail parce qu'il voulait le faire. Il l'aimait, il le faisait, il avait son abattis pour se nourrir, il avait la forêt qui était un véritable supermarché à cause de sa faune. Alors donc, c'était un homme sans problème. Les problèmes qu'il pouvait y avoir, c'était les problèmes de terrain, vous savez, parce que l'orpailleur, c'est un chercheur perpétuel. Même dans ses moments de détente, il cherche de l'or. Il marche toujours avec son instrument qui est semblable à la batée, mais en modèle réduit. À l'aide de cet instrument, tout en chassant, il met ça dans sa gibecière, il arrive... rencontre un ruisseau qu'il n'avait jamais vu et commence à le prospecter avec le cuit. Alors, selon le résultat obtenu avec le cuit, il revient avec la battée pour avoir un résultat beaucoup plus sûr. Et c'est ainsi qu'il recherchait l'or. Mais quels sont justement les indices qui vous faisaient établir un placer dans un endroit plutôt que dans un autre ? La base même de leur prospection est selon la courbe du ruisseau, qu'elle soit droite ou sinueuse, parce que dans leur système, ils estiment que l'or, c'est une matière qui marche en ligne droite. Alors, selon la forme du ruisseau, ils se disent, bon, cette portion-là, elle est droite, je vais essayer par ici. S'il y en a, évidemment, toute la ligne droite, la quantité d'or peut aller en progressant. Et il peut y avoir une coupure et être repris plus loin dans une autre ligne droite. Parce que l'or ne suit jamais la courbe de la craie. Il peut travailler au milieu du ruisseau et que brusquement, il bifurque même quelquefois vers la montagne. Parce que si l'or vient de la montagne, tout dépend de la direction de l'or. Alors donc, c'est à partir de là qu'ils orientent leur recherche. En Guyane, la recherche de l'or s'est-elle accompagnée de violences, de meurtres? La violence, on ne peut pas tellement parler. Il y en a eu, évidemment, dans certaines régions. Évidemment, il y a eu des régions beaucoup plus calmes que d'autres. Par exemple, sur le Maroni, si mes souvenirs sont exacts, d'après les anciens, il y avait toute une équipe de maraudeurs. Ce mot maraudeur est l'équivalent, si vous voulez, de gangsters. Alors donc, ces gens-là avaient pour tâche de surveiller tous les chantiers vraiment intéressants pour aller faire un hold-up à main armée sur ces pauvres gens qui travaillaient et leur dépouiller de leur production. Bien, ce groupe de maraudeurs était dirigé par un homme assez costaud, là, qui s'habillait comme un cow-boy avec un grand chapeau, un grand sabre, et il s'amusait comme ça à aller dépouiller les gens. Mais malheureusement pour lui, comme c'était un violent dans tous les domaines, il a été tué un soir avec la complicité de sa femme dans son lit. Ça s'est passé en pleine nuit au moment où il s'était endormi. Les complices de la bonne femme sont arrivés et puis on a tiré dessus à travers d'une palissade et il est mort. Et la femme, pour être sûre vraiment qu'il était mort, après le coup de fusil, le sang a jailli, c'est tombé sur elle qui était couchée par terre. Quand elle n'a rien entendu, elle s'est levée et elle a vu le mec mort. Alors à ce moment-là, je crois que c'était la fête au village parce que vraiment c'était vraiment la terreur du village. Alors, les gens, après l'enterrement, lui a planté son sabre en guise de croix et son grand chapeau comme symbole. Avez-vous eu connaissance de cas de fortune fabuleuse? Eh bien, d'après les dires que moi, j'étais encore gosse et je n'ai pas tellement connu, mais je sais qu'il y a eu des gens comme les Salmongons, qui étaient des Indiens, du reste, qui en avaient pas mal d'or et qui avaient même demandé de plancher sa maison en louis d'or. C'est une anecdote que je ne peux pas assurer la certitude. Le gouvernement lui avait répondu, oui, mais à condition de les mettre debout, vous voyez, sur la tronche. Alors ce qui lui aurait demandé pas mal de louis d'or pour pouvoir satisfaire son désir, puis c'était un moyen vraiment très sympathique de le refuser. En plus, j'ai connu sur Paul Isnard un mec qui a sorti une pépite d'un kilo 700. Sous quelle forme se présente l'or que l'on trouve? Eh bien, ça dépend des régions. Il y a des régions qu'on trouve que de l'or en poudre, il y en a d'autres, de l'or en petits morceaux, ce que dans le langage orpailleur, ils appelaient de l'or haché. Et il y a d'autres régions où on trouve de l'or en morceaux de 100 grammes, de 50, tout dépend. Ça, c'est plutôt en montagne, entre ces ors de gros morceaux. De quelle région, de quel pays étaient originaires les orpailleurs de Guyane? Eh bien, l'orpailleur guyanais était d'origine des Antilles anglaises. Et même des Antilles françaises, telles que Martinique, Guadeloupe, Sainte-Lucie, Dominique, les autres îles anglaises, qui, par exemple, à la Guyana, qui a un terrain comme la Guyane, qui avait de l'or. Les orpailleurs venaient de la Guyana en Guyane, travaillaient de l'or en fonction de leurs besoins. S'ils avaient entendu que, par exemple, l'orpailleur est toujours en quête de découverte. Quand on a découvert l'or de Cassouenne sur le Yapok, du côté brésilien, vous avez toute une ruée d'orpailleurs vers cette découverte. C'est comme ça, l'orpailleur, c'est un nomade. Il voyage en fonction des découvertes. À la fin du 19e siècle, on comptait jusqu'à 20 000 orpailleurs dans la forêt guyanaise. Que sont devenus les villages alors très peuplés? Hélas, ça me fait mal au cœur d'en parler. Tous ces villages ont disparu. C'est vraiment regrettable parce que pour moi, c'était la plus belle époque guyanaise. C'était l'époque de l'orpaillage. Ces gens-là ont dû abandonner leur paillage et se mettre au service du bureau minier. Et après la fin du bureau minier, ces gens-là sont tous rentrés à Cayenne, à l'exception de quelques vieux vraiment mordus par la vie de la nature, ben, cette vie vraiment libre, qui sont restés là, attachés à cette vie. Jusqu'à maintenant, on en trouve quelques-uns, surtout vers Saint-Élie, vers Sahul. Ces pauvres gens seront bien obligés, évidemment, de prendre la décision de quitter ces endroits-là, étant donné que ça devient chaque jour de plus en plus dur. Pas de moyens de locomotion, ils sont isolés, complètement coupés du monde. Finalement, ils sont bien obligés d'abandonner tout ça. Pourtant, il reste de l'or en Guyane. Il y en a beaucoup d'or en Guyane. On ne connaît pas exactement le résultat des prospections faites en Guyane. Mais moi, personnellement, je sais qu'il en reste encore de l'or en Guyane. Évidemment, il faudra de gros moyens pour le travailler. Et il faudrait aussi être beaucoup courageux pour le faire, parce que l'or paillasse, ce n'est pas un travail facile. Il faut l'aimer pour le faire. Justement, à quelles difficultés quotidiennes se heurtaient les orpailleurs ? Les difficultés quotidiennes de l'orpailleur, qui est un chercheur perpétuel, c'était surtout le transport de son matériel. Les dalles, c'est un instrument fait avec trois planches rectangles dans lequel on dépose la couche orifère qui leur permet de laver avec de l'eau et une houe qui servent comme, si vous voulez, brasseur. Bon, alors, le déplacement d'un lieu à un autre devient très pénible parce que ce sont des trucs qui sont très lourds et ils sont obligés de transporter ça des dizaines de kilomètres en pleine forêt, et même pas dans une piste bien propre. Alors donc, c'est là tout le gros problème de leur pailleur. C'est le transport du matériel d'un lieu à un autre. Ça, ce sont les difficultés quotidiennes. La faune constituait peut-être quand même une menace, un danger. Ah non, non, de toutes les façons, vous savez, l'homme, selon le milieu dans lequel il vit, s'adapte. C'était le cas des orpailleurs qui s'adaptaient à la nature, ils vivaient avec leur nature, parce que pour eux, la forêt représentait un supermarché à cause de sa faune. Il suffit de prendre la chose du bon côté et de s'adapter. La faune n'a jamais tué personne. On finit par s'habituer. Bon, ben, les serpents, il en existe, effectivement, mais ils ne sont pas tous venimeux. Moi, quand j'ai été victime d'une morsure de serpent, il y a 25 ans de cela, je ne suis pas mort. Bon, ben, c'est que ce n'est pas très dangereux. Si j'étais mort, c'est parce que je devais mourir. Il n'y a pas de problème. Pour moi, l'orpailleur, c'était un être sans problème. Sans problème. Alors maintenant, évidemment, avec le changement, on s'est créé des problèmes. Mais à cette époque-là, on n'en connaissait pas. Ça monte et ça baisse. L'or. Ça monte et ça baisse. L'or. Ça monte et ça baisse. On a calculé que de 100 à 200 produits ou matières ont servi de monnaie dans l'histoire. Il y a eu les dents de marsouin aux îles Salomon, le thé au Tibet, le cacao chez les Aztèques, les nattes aux Nouvelles-Hébrides. Depuis quand utilise-t-on l'or comme moyen d'échange, comme monnaie ? Pourquoi l'homme a-t-il privilégié l'or comme moyen de paiement ? Eh bien, l'or est apparu dans l'art monétaire en Asie mineure sous Gigès et Crésus, c'est-à-dire au 7e, 6e, 5e siècle avant Jésus-Christ. Et l'or a été très peu utilisé à cette époque-là. Mais enfin, c'est tout de même Crésus qui a surtout créé la monnaie d'or, avec les pépites qu'il ramassait dans le pactole, voyez-vous. Et c'était de l'or natif. Quelquefois, c'était de l'électrum très pâle, ou quelquefois, c'était un or beaucoup plus fin, c'est-à-dire près de 1000 millièmes. Ensuite, sous Alexandre le Grand, l'or s'est beaucoup développé. Et ensuite, dans l'art grec, ce sont les Ptolémées, au 2e siècle avant Jésus-Christ, qui ont créé de somptueuses monnaies grecques en or, avec les effigies des princes ptolémaïques. Est-ce qu'il y a eu des réticences face à cette utilisation des premières pièces d'or ? Oh, pas du tout. Il n'y a jamais eu de réticence par rapport à la création des nouvelles pièces d'or, parce que de tout temps, l'or a été admiré, thésaurisé. Même au Moyen-Âge, les gens rognaient un peu les monnaies pour récupérer quelques grammes d'or sur une dizaine d'écus d'or, par exemple. Ils arrivaient à en récupérer un. Alors, c'est pourquoi on trouve les monnaies du Moyen-Âge rarement dans leur état naturel. Comment est-ce que l'on procédait au niveau de la frappe dans l'Antiquité? Alors la frappe de tous les temps a été la frappe au marteau, jusque sous Henri II. Alors voyez-vous, on a utilisé les mêmes procédés primitifs qu'utilisaient les Grecs, c'est-à-dire avec deux coins, un coin mobile et un coin fixe, qui était fixé sur un étau, et le coin mobile de la main et un marteau. Et on frappait avec un flanc entre les deux coins, et on frappait les monnaies de cette façon. Et ensuite, il y a eu la frappe au balancier, la frappe au moulin et la frappe automatique, comme nous avons maintenant depuis deux siècles. Qu'appelez-vous la frappe au balancier et la frappe au moulin? La frappe au moulin, c'était le moulin des étuves qui utilisait le moulin pour faire marcher le balancier. C'était une frappe semi-automatique, si vous voulez. Et le balancier, c'était un grand étau avec un manche perpendiculaire à l'étau et que deux hommes lançaient comme ça pour frapper les monnaies. C'était une frappe semi-automatique. À votre avis, quelles sont les plus belles pièces d'or de l'histoire de l'humanité? Les plus belles pièces d'or de l'histoire de l'humanité, à mon sens, à moi, sont les monnaies grecques. Les monnaies grecques, ce sont de véritables petits chefs-d'œuvre artistiques, n'est-ce pas? Ensuite, il y a beaucoup de monnaies qui sont très appréciées, comme l'aimait André Malraux, les monnaies gauloises, par exemple, qui ont un type tout à fait particulier et qui sont vraiment des monnaies très rares également, parce que les Gaulois n'utilisaient pas beaucoup l'or. C'était surtout l'argent et le bronze. Mais ensuite, vous avez les monnaies royales françaises de l'époque de Philippe VI, de Valois. Il y a une superbe monnaie qui a une grande noblesse, c'est la couronne d'or. Ensuite, sous les rois Louis, vous avez eu les monnaies de prestige, les monnaies de plaisir que les courtisans du roi avaient sur eux pour entrer dans la salle de jeu et tout ça. Et c'était une garantie pour eux. Il y avait des monnaies de prestige telles que les 10 louis, les 8 louis et les 4 louis. On n'en connaît qu'une cinquantaine d'exemplaires de chaque type. C'est dire qu'elles étaient quand même assez rares. Manquant d'or, les hommes du Moyen-Âge tentent grâce à l'alchimie de suppléer aux défaillances de la nature. Le grand rêve de créer de l'or à partir de matières viles et bon marché comme le plomb dure plusieurs siècles. Nous prîmes un creuset d'orfèvre et nous y déposâmes plusieurs couches de plomb et de soufre. Puis, sur l'ordre de Cétonius, lequel ne touchait à rien, on alluma le feu et on agita, en le tournant, le métal en fusion. Pendant ce temps, Cétonius plaisantait avec nous. Un quart d'heure plus tard, il nous dit « Maintenant, versez le contenu de ce sachet dans le plomb liquide, en veillant à ce qu'il tombe exactement au milieu. » Le sachet contenait une poudre grasse couleur citron, mais il fallait des yeux perçants pour l'apercevoir. Nous fîmes ce qu'il nous demanda. Puis, nous continuâmes à agiter pendant un quart d'heure le contenu du creuset. De fait, le plomb s'était mué en or. De l'avis du spécialiste, qu'il examina avec la plus grande attention, l'or était de meilleure qualité que l'or arabe ou hongrois. Nous étions confondus. Et Cétonius nous fit cette remarque. Ce que vous venez de voir est parfaitement authentique. La vérité s'impose en toutes circonstances. Il nous fit cadeau de l'or, à titre de souvenir. Témoignage d'un médecin de Bâle, vers 1500. Expérience réalisée chez l'alchimiste Alexander Cétonius. À la fin du Moyen-Âge, le développement des échanges, l'essor du commerce, provoque en Occident une véritable faim d'or que le métal jaune d'Amérique rassasie en partie. Dans ses lettres, Christophe Colomb témoigne de cette fringale. J'ai soigneusement interrogé les indigènes pour savoir s'ils possédaient de l'or. Ce faisant, j'ai remarqué que certains portaient un petit morceau d'or dans une cavité qu'ils ont à la base du nez. conversant par signes avec eux, j'ai appris qu'il fallait descendre vers le sud. Il y a là un royaume dont le souverain possède de grandes quantités d'or. J'ai ensuite essayé de les persuader de m'y conduire, mais j'ai compris qu'ils s'y refusaient. L'or qu'ils portent à leur nez provient de leur pays, mais de crainte de m'y attarder, je préfère ne pas partir à sa recherche. Ce que je veux, c'est atteindre au plus vite l'île de Kipangu. Christophe Colomb, lettre du 13 octobre 1492. Aujourd'hui, je me prépare au départ. Jeudi prochain, nous cinglerons vers le sud-ouest à la recherche de l'or et de contrées nouvelles. Mes guides indiens prétendent que dans les îles, l'or est si abondant qu'on l'aperçoit à travers la couche de terre qui recouvre le sol. Christophe Colomb, lettre du 6 novembre 1492. Tonton Cristobal est revenu, des vaisseaux, des lingots, il en a le queue cousue. La famille hypocrite crie, vive le barbu. Tonton Cristobal est revenu. Quand prend naissance le mythe de l'Eldorado ? À l'histoire de l'Eldorado, c'est une histoire très récente, ou presque récente, puisqu'il s'agit de, cette fois du XVIe siècle et de l'époque des conquistadors. C'est à ce moment-là qu'on rêve de pays fabuleux dans lesquels il y aurait un roi doré, qu'on appelle Eldorado, le doré, qu'il s'agit de retrouver et sur lequel on n'a jamais mis la main. Les explorateurs se sont lancés à l'aventure du côté du bassin de l'Orénoque, ou dans le Venezuela, ou vers la Colombie, à la quête du roi doré. On l'a trouvé, on a cru le trouver à un moment du côté de la Californie. Et effectivement, après tout, la Californie, ça a peut-être été la concrétisation de l'Eldorado. L'histoire de l'or californien, c'est une très belle histoire. En 1848, un Badois qui s'appelait Sutter et qui avait été garde suisse dans la garde de Charles X, avait obtenu une concession, une énorme concession sur les bords du rio Sacramento, près d'un petit village fondé par les franciscains qui s'appelait San Francisco. Et il avait, sur les rives du Sacramento, érigé un moulin. Et il avait envoyé son charpentier, Marshall, pour aller vérifier le fonctionnement du moulin. Dans le bief, Marshall aperçoit des pépites ou des paillettes qui l'éblouissent. Il ramasse quelques cailloux au fil de l'eau, les met dans sa poche, saute sur son cheval, galope auprès de Sutter et lui montre les cailloux en question. Sutter les regarde, les soupèse, admire leur éclat, et prend sur les rayons de sa bibliothèque un gros livre, une encyclopédie à la lettre G, Gold. Il compare les qualités qui sont définies dans cet ouvrage avec celles qu'il présume être celles des cailloux apportés par Marshall, et il conclut gravement, Gold, c'est bien de l'or. Il recommande naturellement à son charpentier d'être discret, mais des secrets de ce genre-là ne se gardent pas. En quelques jours, tout le village de San Francisco était en émoi. Quelques semaines plus tard, c'est toute la côte atlantique, toute la côte pacifique qui était sans dessus-dessous. Les marins désertaient les bateaux, les paysans quittaient leurs champs, les soldats quittaient leurs casernes, les fonctionnaires quittaient leurs bureaux. Ça a été véritablement la ruée vers l'or. Et on s'est rué vers l'or californien, non seulement de tous les États-Unis, mais du Mexique, mais du Canada, mais du monde entier, de France, de Pologne, du Japon. Ça a été un énorme mouvement. Nos manuels d'histoire disent qu'en 1848, il y a eu une crise économique et une crise politique. Ça a été d'abord une ruée vers l'or. Ça a été ça le grand phénomène. Et sur place, effectivement, on a trouvé prodigieusement d'or. On a enrichi, bien entendu, quelques pionniers qui ont trouvé quelques magnifiques pépites, des pépites de 50 kilos, quelquefois. Alors ça entrait dans la légende et tout le monde voulait trouver des pépites de cette qualité. On a fait la fortune des tenanciers de bistrots, de tripots, de gens qui louaient des équipements, des pioches qui vendaient des piolets, qui louaient des chevaux, qui bâtissaient des baraques pour les chercheurs d'or. Ça a été une épopée extraordinaire. Il y a eu à ce moment-là un certain Lévis qui a imaginé de doter les pionniers de l'or d'un pantalon qui était fait en bleu de Gênes. On a appelé ça le blue jean. Et c'était un pantalon très robuste, en toile solide, avec des poches bien cousues dans lesquelles on pouvait mettre les pépites ramassées dans le Sacramento ou les autres rivières de la région de San Francisco. C'était par un après-midi pluvieux. J'étais assis dans ma chambre au fort et j'écrivais une longue lettre à un vieil ami de Lucerne. Tout à coup, M. Marshall fit irruption dans ma pièce. Il était trempé. J'étais très surpris de le voir. Il me dit qu'il avait quelque chose de très important à me communiquer, qu'il désirait me le dire tout à fait secrètement et qu'il me priait de le mener dans un endroit isolé, loin de tout indiscret qui pourrait nous surprendre. Nous montâmes à l'étage supérieur. Il insista tant que nous nous enfermâmes dans une chambre, bien qu'il n'y eût personne d'autre au ranch que le comptable en bas dans son bureau. Et il lui manquait encore quelque chose à Marshall. Je redescendis et je crois bien que j'allais lui chercher un verre d'eau. Mais en rentrant, j'oubliais de refermer la porte à clé. Marshall venait justement de sortir un bout de chiffon de sa poche et était en train de me montrer une espèce de métal jaunâtre qui y était enveloppé quand mon comptable pénétra dans la pièce pour me demander un renseignement. Marshall dissimula rapidement le métal dans sa poche. Le comptable s'excusa de nous avoir dérangés et sortit. « Enfin, est-ce que je ne vous avais pas dit de fermer la porte, nom de Dieu ?» criait Marshall. Il était dans tous ses états, et j'eus toutes les peines du monde à le calmer et à le convaincre que le comptable était entré pour affaire et non pour nous surprendre. Cette fois-ci, nous verrouillâmes la porte et poussâmes même une armoire devant. Et Marshall ressortit son métal. Il y avait plusieurs petits grains d'environ 4 onces chacun. Il me raconta qu'il avait dit aux ouvriers que c'était peut-être de l'or, mais tout le monde s'était moqué de lui et l'avait traité d'idiot. J'essayai le métal à l'eau régale, puis je lus tout le long article sur l'or dans l'Encyclopédia Americana. Là-dessus, je déclarai à Marshall que son métal était de l'or pur. Janvier 1848, témoignage de Sutter, reproduit par Blaise Sandrard dans L'Or. Cette nouvelle extraordinaire ne fut pas plutôt propagée dans le pays que toute la population européenne et indigène se porta avec une excessive ardeur à la recherche du métal précieux. La petite ville de San Francisco elle-même fut bientôt vide. Le gouverneur américain, le colonel Mason, vit la désertion se mettre dans les rangs de ses soldats. Et l'on prétend qu'abandonné de ses domestiques, il fut, comme les autres officiers, réduit à faire lui-même sa cuisine. La masse d'or que chaque travailleur pouvait recueillir en un jour était si forte que les hommes de toute profession quittèrent leurs affaires pour se faire chercheurs d'or. On abandonna maisons, boutiques, champs, fermes, et bientôt, toute la population n'eut plus qu'une seule préoccupation, celle de ramasser l'or. Revue des Deux Mondes, 1er février 1849. Je suis incapable de définir l'impression qu'a produite sur moi le spectacle des chercheurs d'or au travail. Je croyais voir les trésors des mille et une nuits. En apercevant dans chaque tente le monceau d'or que les occupants avaient recueilli en quelques semaines, je crus rêver. Dès lors, je n'eus plus qu'une pensée, m'installer ici et me mettre aussitôt à l'œuvre. La perspective d'amasser de l'or me tournait la tête. Je n'oublierai jamais ce que je ressentis la première fois que j'enfonçais ma pelle dans le sable. Mon émotion était indescriptible. Témoignage d'un médecin américain. « La ruée vers l'or vers l'Alaska, ça a été la plus terrible de toutes les ruées vers l'or du 19e siècle. La plus terrible peut-être en raison des conditions climatiques de l'Alaska, mais sans doute pas la plus considérable. Nous l'avons retenu beaucoup à cause du film de Chaplin, vous savez, la ruée vers l'or qui était inoubliable, mais je ne pense pas que ce soit tout de même l'un des mouvements les plus caractéristiques de l'or au 19e siècle. Je crois que l'or de l'Alaska, il a été découvert, c'est toujours la légende qui raconte cela, mais les légendes sont si belles qu'on ne peut pas ne pas leur faire écho, est découvert par un pêcheur de saumon. Il était en train là, un nommé Davis, de chercher à attraper des saumons, lorsqu'il a vu dans l'eau des reflets dorés. Ce n'étaient pas des reflets de saumon dorés, c'était bel et bien des reflets d'or. Là-dessus, il y a eu une ruée vers l'or. Une autre histoire qui est aussi belle, c'est celle de la découverte de l'or australien. Car l'or australien, très curieusement, il a été découvert en Californie. Il y avait un chercheur d'or qui s'appelait Hargraves, qui était australien, qui était venu en 1848 chercher de l'or au pays californien. Et dans ce site où on trouvait de l'or, il a remarqué d'extraordinaires analogies avec les sites qu'il connaissait en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, avec des paysages qui lui étaient très familiers. Il s'est dit, mais pourquoi est-ce que je viens en Californie? Je suis sûr que dans mon pays, il y a aussi de l'or. Il est revenu dans l'Australie, aussitôt, sur le bateau même, il s'est entretenu avec d'autres immigrants et qui l'ont interrogé, qu'est-ce que vous avez trouvé en Californie? Il a dit, j'ai trouvé de l'or, j'ai trouvé de l'or australien. Il s'en est expliqué, il a dit, oui, je suis sûr que dans mon pays, près de Ballara, on va trouver de l'or parce que le site correspond au site californien que je connais. Et effectivement, il s'y est rendu, il avait effectivement remarqué des analogies d'ordre géologique, d'ordre tectonique avec le site californien, et on a trouvé miraculeusement, merveilleusement, de l'or en Australie parce que le site de la Nouvelle-Galles du Sud en question ressemblait au site californien qu'avait remarqué Hargraves. L'or sud-africain a été trouvé en 1896, avant que les Anglais aient mis la main sur l'Afrique du Sud. Et c'est précisément parce qu'on a trouvé de l'or en Afrique du Sud que les Anglais se sont brusquement intéressés à ce pays-là. On raconte, ça fait partie des anecdotes et de la légende de l'or, on raconte qu'un cavalier anglais, galopant à travers les plaines ou le plateau du Transvaal, mettant pied à terre, a heurté de sa botte un caillou et un caillou d'or. Il l'a ramassé, c'était de l'or, ça a été la découverte de la plus belle montagne d'or qu'on ait jamais trouvée à la surface du globe. C'est la dernière grande découverte de l'or. Oui, c'est l'or sud-africain. Mais en 1896, on a trouvé en Afrique du Sud de l'or dans le Rand, le Witwatersrand. Depuis, en Afrique du Sud, et dans les années 1940, on a trouvé un autre tas d'or aussi considérable dans le pays d'Orange. Et c'est de ce fait que l'Afrique du Sud est restée le grand producteur de métal jaune au monde. D'un point de vue économique, quelles sont les conséquences de cet afflux d'or, de cette découverte d'or sur l'économie mondiale, l'économie européenne et l'économie américaine? Eh bien, les conséquences portent un nom qui est extrêmement connu, ça s'appelle l'inflation. Car l'inflation, ça n'est pas seulement le gonflement des moyens de paiement fiduciaires, ça n'est pas seulement l'augmentation de la masse monétaire des billets, mais ça peut être aussi tout simplement l'augmentation des moyens de paiement, quels qu'ils soient, y compris des moyens de paiement métalliques. Il y a eu une grande inflation dans le monde lorsque Alexandre, par exemple, a mis la main sur les trésors des satrapes perses. Il y a eu une inflation lorsque les conquistadors ont découvert l'or du Nouveau Monde. Et il y a eu une inflation très caractérisée en 1848, après la découverte de l'or californien, qui a été suivie d'ailleurs de très près en 1852 par la découverte de l'or australien. Et les moyens de paiement se sont accrus et on a vu dans le monde les prix monter. C'est un phénomène d'inflation que nous connaissons bien. Et le développement du capitalisme au 19e siècle est-il lié en partie à ces découvertes de l'or ? Je répondrai oui, il est lié à ces découvertes de l'or, mais il n'est pas lié qu'à cela, bien entendu. Le capitalisme procède aussi très largement d'une expansion prodigieuse du machinisme. La révolution industrielle qui en Angleterre a démarré au XVIIIe siècle et qui s'est répandue sur le continent au XIXe siècle a été aussi l'un des éléments de l'essor du capitalisme. Mais le capitalisme, il est fait à la fois de technique et de moyens de paiement. La technique, ce sont les machines, ce sont les inventions. Les moyens de paiement, c'est pour une très large part les découvertes des gisements d'or. Au Au début de la révolution soviétique, Lénine espérait que l'or dans une société socialiste servirait un jour à construire des latrines. Loin de cet espoir, Staline, parvenu au pouvoir, redonne à l'or le rôle qui est le sien dans l'économie mondiale. Le grand essor de la Sibérie aurifère se situe au moment de Staline, lorsque précisément le tyran soviétique s'est pris de passion pour le métal jaune, à la lecture du livre de Sandra. À ce moment-là, il a quasiment donné permission à tous les ressortissants de l'Empire soviétique d'aller chercher de l'or dans les vallées de la Kolyma, dans le grand nord sibérien, là où les déserts sont glacés, le climat est épouvantable. Et il a pensé que le ressort de ce libéralisme ressuscité suffirait à trouver effectivement de l'or. Il leur a dit aux pionniers, allez-y, cherchez de l'or, trouvez-en, et l'or vous appartiendra, ce que vous trouverez, ce sera à vous pendant une année. Après quoi, bien sûr, ce sont les soviets qui reprendront, qui remettront la main sur les gisements que vous aurez découverts. Il a déterminé de ce fait une véritable ruée vers l'or sibérien. On a trouvé de l'or, on le savait qu'il y en avait. Après quoi, ce sont des trusts d'État qui s'en sont emparés et les malheureux pionniers ont été plus ou moins exécutés. Par la suite, l'or sibérien a été exploité par des forçats, les Solzhenitsyn que nous connaissons, qui ont, dans des conditions épouvantables, travaillé sans souci du prix de revient à la découverte de l'or sibérien. Staline me démontra que la mise en valeur des États de l'Ouest des États-Unis était due exclusivement à la découverte de l'or. Aucun autre facteur n'était intervenu. Les industries de l'étain, du cuivre et du plomb s'étaient créées à l'exemple de l'industrie de l'or. L'agriculture californienne s'était développée pour assurer la subsistance des prospecteurs. Enfin, toujours à cause de l'or, on avait construit des routes et des voies de chemin de fer. Après avoir fait l'historique de la ruée vers l'or en Californie, Staline poursuivit « En les adaptant à nos conditions particulières, pourquoi ne pourrions-nous pas appliquer les méthodes qui ont si bien réussi aux États-Unis ? Nous commencerons par l'or, puis progressivement, nous continuerons par les autres produits du sous-sol, le charbon et le fer. Le développement de l'agriculture devra aller de pair avec celui de l'industrie. » Et Staline conclut, « Afin d'étudier la technique de l'extraction de l'or, vous partirez sans délai pour les USA. Visitez les mines les mieux organisées de la Californie, du Colorado, de l'Alaska et du Montana et familiarisez-vous avec l'industrie aurifère américaine. » Témoignage de Zerebrowski, directeur du Trust de l'or. Et à l'heure actuelle, quel est le premier producteur d'or ? C'est l'Union soviétique ? Ah non, le premier producteur d'or, c'est l'Afrique du Sud, de très loin. L'Afrique du Sud, à elle seule, produit les trois quarts de tout l'or qui est extrait des entrailles de la terre. L'Union soviétique vient en seconde position, mais fort loin derrière l'Union sud-africaine. Mais nous savons bien que l'or soviétique apparaît sur le marché de Londres tous les ans parce que les Russes ont besoin de se procurer des devises pour combler leur déficit céréalier. Et on voit effectivement arriver de l'or, un or très pur, dans des lingots très remarquables, sur le marché de Londres ou sur le marché de Zurich. C'est l'or soviétique. Alors, compte tenu de ces arrivages, compte tenu de ce qu'on présume être les réserves de l'or soviétique, on sait à peu près quelle est la production. Elle peut être de l'ordre de 300 tonnes par an, alors que la production sud-africaine est de l'ordre de 700 tonnes par an. Et quelles sont justement les conditions géologiques et tectoniques pour les gisements d'or ? Il y a de l'or à la fois au fil de l'eau, et il y a de l'or qui est en filon dans les entrailles du sol. Alors ça présente évidemment des caractères très différents. Au surplus, à l'origine, on trouvait de l'or à fleur de sol. Les premiers pionniers y donnaient des coups de pioche précisément à la surface de la terre. Aujourd'hui, on va chercher l'or à 2000 ou 3000 mètres de profondeur dans des galeries extraordinairement perfectionnées, des galeries de mines comme on en fait pour les mines de charbon. Et en Afrique du Sud, il faut descendre effectivement au moins à 3000 mètres pour trouver de l'or dans des conditions qui ne sont pas toujours de tout repos. À 2000 mètres sous terre, une centaine de candidats mineurs noirs, nus, avec seulement une serviette autour de la taille, montent et descendent une marche. Pendant 4 heures, ils subissent un test de résistance physique. La compagnie sélectionnera ceux qui supportent le mieux cette simulation des conditions de travail. La sélection se fait d'une façon scientifique. Les stagiaires reçoivent une dose de vitamine C pour augmenter leur force. Ils commencent au rythme de 12 pas à la minute le premier jour, pour finir à 24 pas le dernier jour. Toutes les demi-heures, on prend la température des travailleurs, puis on met un insigne de couleur autour de leur cou pour montrer quel degré ils arrivent à supporter. Après le stage d'acclimatation, s'il est sélectionné, le mineur reçoit un bracelet plastique de couleur avec un numéro. La couleur indique sa résistance à la chaleur et à quel niveau il peut travailler. Jusqu'à la fin de son contrat, il sera uniquement connu par le numéro de code qui indique aussi sa tribu. Un mineur noir reçoit l'équivalent de 100 dollars par mois, soit 12 fois moins que son surveillant blanc non spécialisé, 1200 dollars. Loin de les cacher, la direction fait visiter les baraquements où sont logés 9300 mineurs noirs. J'ai aussi visité la mine avec un groupe d'une vingtaine de blancs. C'était comme une visite au zoo, avec des phrases comme « Nous allons vous montrer ce que nous donnons à manger à nos noirs ». Extrait d'un reportage réalisé en Afrique du Sud en 1979 par le journaliste Abbas, de l'agence Gamma. Comment, après ce témoignage, ne pas songer à ce qu'écrivait Diodore sur les conditions de vie et de travail dans les mines de l'Égypte ptolémaïque il y a plus de 2 millénaires? Aux confins de l'Égypte et de l'Éthiopie, il est un lieu rassemblant un grand nombre de mines d'or et où l'on extrait ce métal à grande peine et à grands frais. Les rois d'Égypte envoient vers les mines d'or tous ceux qui furent condamnés pour des crimes ou capturés dans les combats. Parfois ceux-là seulement, mais parfois également leur famille tout entière. Ceux qui ont été astreints de travailler dans les mines, ils sont en grand nombre, enchaînés les uns aux autres, travaillent jour et nuit, à l'exception de quelques rares heures de repos, et sont soumis à une garde constante et vigilante. Ils brûlent, au moyen de grands feux, la terre durcie qui contient de l'or, afin de la ramollir. Et ils creusent dans cette terre avec leurs mains nues. La roche tendre, qui cède aisément sous le choc des ciseaux de pierre ou d'acier, est concassée sans arrêt par des milliers de ces malheureux. L'or, ça monte et ça baisse. L'or, ça monte et ça baisse. L'or, ça monte et ça baisse. Quelles sont les relations existantes entre l'or et la monnaie? Ici, l'on interroge des personnes dans la rue, ou plus précisément, pour prendre un exemple qui est plus personnel, lorsque on demande à des élèves de première... Quelle relation y a-t-il entre l'or et la monnaie? Sur 35 élèves, la plupart, une trentaine à peu près, répondent automatiquement que la monnaie est basée sur l'or. De fait, à l'heure actuelle, il n'y a pratiquement plus aucune relation entre la monnaie et l'or. À une époque, effectivement, les échanges, la circulation de monnaie se faisaient par pièces, notamment dans l'Antiquité des pièces de bronze et puis des pièces d'or ou des pièces d'argent. Assez rapidement, on est passé à un système qui s'appelait le système des certificats d'or. C'est-à-dire qu'un marchand, par exemple, qui se rendait à une foire en Champagne, au lieu de transporter des quantités d'or assez importantes, assez lourdes, avec tous les risques de vol que cela supposait, déposait cet or dans une banque italienne ou flamande, et en contrepartie recevait un certificat individualisé qu'il pouvait échanger contre des marchandises à un autre commerçant. Et cet autre commerçant, avec ce certificat, pouvait obtenir dans sa propre banque la quantité d'or correspondante. Puis, très rapidement, les banques se sont aperçues qu'on pouvait émettre beaucoup plus de monnaie sous forme de papier que ce qu'il y avait d'or détenu dans leur caisse, parce que la plupart des gens ne demandaient pas automatiquement le remboursement de leur certificat en or. Et c'est ainsi qu'on est arrivé à la fabrication du billet. Ce billet était quand même convertible en or. Dans le courant du 19e siècle, le billet a eu ce qu'on appelait le cours légal, c'est-à-dire que toute personne qui le détenait pouvait acheter des marchandises en échange et toute personne était tenue d'accepter ce billet. Mais il était toujours convertible. Et puis, avec la Première Guerre mondiale, la quantité de billets émise était bien supérieure à la quantité d'or émise. Et devant les risques que les détenteurs de billets viennent demander le remboursement de leurs billets en or, les banques ont préféré, et notamment les banques centrales, suspendre la convertibilité du billet en or. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le billet a un cours légal et il n'est plus convertible. Par exemple, on ne peut pas payer son percepteur avec des pièces d'or, on ne peut pas acheter des objets avec des pièces d'or comme on le fait avec un billet. Donc l'or occupe une place très très minime et l'on peut chiffrer à moins de 5% la contrepartie de la masse monétaire équivalente à l'or. Mais il y a une puissance qui a cru que sa monnaie pouvait continuer à être convertible en or, c'était les États-Unis avec le dollar. Oui, c'est-à-dire que le dollar aux États-Unis, comme le franc en France, n'est pas convertible en or pour un résident, mais par contre, il l'a été pendant très longtemps, sur la base de 35 dollars l'once, il a été pendant très longtemps pour les non-résidents, et notamment pour toutes les banques centrales étrangères qui détenaient de l'or. Et c'est ce qu'on a appelé d'ailleurs le Gold Exchange Standard, c'est-à-dire un système monétaire international qui a été mis en place en 1945 à Bretton Woods, qui était basé sur l'or, mais par l'intermédiaire du dollar. Pour les États-Unis étant le seul pays à payer leur déficit en dollars parce que le dollar était accepté par tous, il s'est trouvé à un moment donné que la masse de dollars dans le monde était bien supérieure à la quantité d'or que pouvaient détenir les États-Unis. D'autre part, comme les puissances telles que l'Europe ou le Japon ont reconstitué leurs économies, elles ont commencé à exiger aussi, si l'on peut dire, une plus grosse part du gâteau et à demander le remboursement de leur dollar en or. Donc à partir du moment où certains pays ont commencé à demander le remboursement du dollar en or, preuve que la confiance dans le dollar était relativement entamée, les États-Unis n'ont pas pu faire face à ce remboursement énorme. À partir des années 67, le système monétaire international a commencé à être gravement déréglé jusqu'au moment où le 15 août 71, le gouvernement américain a décidé de suspendre la convertibilité du dollar en or. Donc aujourd'hui, l'or ne joue plus non plus de rôle au niveau international. Entre 1945 et la fin des années 60, le monde a aussi connu des crises. Comment se fait-il que pendant cette période, le taux de l'or n'ait pas connu des flambées extraordinaires ? Essentiellement parce que le système monétaire international était stable, dans la mesure où il y avait un prix officiel de l'or qui était de 35 dollars l'once, et que l'or, de ce fait, ne jouait plus qu'un rôle restreint dans les échanges internationaux, il n'y avait pas de spéculation relativement faisable et possible sur l'or, et la spéculation s'est portée beaucoup plus vers l'immobilier ou simplement vers l'investissement, sans parler de spéculation à ce moment-là, vers l'investissement industriel. Et effectivement, celui qui avait acheté une pièce d'or ou un lingot en 1945, il avait revendu en 1967 par exemple, avait tout juste dû couvrir la marge due à l'inflation, alors que le même achat fait dans l'immobilier entre 45 et 67 a dû rapporter des bénéfices très substantiels. Et qui achète de l'or maintenant ? Alors l'or aujourd'hui, ça sert dans l'industrie ou dans le commerce ou la transformation de l'or en bijoux. Par exemple, il y a à peu près 10% de la production d'or qui est utilisée par l'industrie. Et parce que l'or a des qualités assez importantes, c'est un conducteur électrique, il est assez manéable, c'est le plus ductile des métaux, etc. Puis auparavant, il avait d'autres utilisations. Par exemple, on l'utilisait pour les dents, on l'utilisait pour les plumes de stylo, etc. Et aujourd'hui, on l'utilise aussi, par exemple, on utilise de l'or pour la conquête de l'espace, pour l'électronique, dans l'industrie aéronautique, etc. Mais ce qui apparaît le plus fortement, ce ne sont pas les achats industriels ou les achats de bijoutiers, mais essentiellement la spéculation que l'on peut faire à travers les pièces d'or et les lingots d'or. Mais ce sont des intérêts privés, ce sont des personnes qui ont occasionné ces flambées extraordinaires. Alors tout d'abord, les grandes flambées qu'on a connues depuis 3-4 mois ont été des flambées qui ont eu pour cause essentiellement le dérèglement du système monétaire international, la hausse des matières premières et notamment la hausse du pétrole. Et les premiers acheteurs d'or, en mai 79 par exemple, ont commencé par être les industriels ou les commerçants qui voulaient se prémunir justement d'une hausse future de l'or et d'une hausse des prix qui caractérise l'inflation. Mais l'or garde encore, dans le fantasme, dans l'imaginaire de la population, garde encore, et notamment en France, une certaine valeur, et on a encore confiance dans les pièces d'or. Et c'est essentiellement pour cela que les petits épargnants se sont rués sur le Napoléon. Les bas de laine des Français sont les plus garnis qui soient au monde. On évalue les réserves d'or des Français à 4600 tonnes, ce qui est proprement considérable et qui représente à peu près le cinquième de tout l'or thésaurisé dans le monde à titre privé. Disons qu'au total, dans le monde, les bas de laine sont garnis à raison de 25 000 tonnes d'or. Vous voyez, il y en a près de 5 000 tonnes en France. Rien qu'en France. Cela tient à ce que les Français, depuis 60 ans, sont un peu traumatisés par l'inflation et les cascades de dévaluation, qu'ils ne croient plus guère au papier et qu'ils préfèrent des valeurs sûres, des valeurs refuges, comme le métal. Ils ont peut-être tort, car le métal, ça ne rapporte rien, c'est parfaitement stérile, mais c'est un peu comme une garantie, comme une police d'assurance contre des malheurs qui pourraient leur advenir. Est-ce que l'or constitue toujours l'investissement spéculatif le plus intéressant ? À l'heure actuelle, bien entendu, ceux qui ont spéculé sur l'or depuis 4 mois ont dû réaliser des bénéfices assez substantiels, mais il est bien évident que depuis 1945, il est plus intéressant d'investir dans l'immobilier que d'acheter des pièces d'or. Est-ce que les records historiques qu'on connaît depuis quelque temps peuvent encore continuer, ou est-ce qu'on aperçoit une limite impossible à atteindre ? Tant que les dérèglements des systèmes monétaires internationaux subsisteront, tant qu'il y aura une crainte au niveau des matières premières et plus généralement d'une récession généralisée, il n'y a pas de raison que le processus s'arrête. Est-ce que des États ou des banques peuvent intervenir pour faire baisser ces cours ? Oui, par exemple, il peut y avoir des ventes d'or du Trésor américain, il peut y avoir des ventes d'or de l'Union soviétique ou des ventes d'or du FMI. Et dans la mesure où l'offre est plus grande et que la demande est relativement stabilisée, le prix de l'or peut cesser de croître. Est-ce que ce phénomène de spéculation sur l'or est spécifiquement français, ou est-ce que maintenant on commence à le retrouver dans d'autres pays ? Alors c'est un phénomène qui a toujours été spécifiquement français, qui le reste, mais qui s'étend aussi à d'autres pays, notamment depuis que les Américains ont le droit, je crois que c'est depuis 1974, ont le droit de posséder de l'or chez eux. Droit qu'ils n'avaient pas auparavant. Ils ont les mains blanches, les mains maquillées. Ils ont les mains blanches, par l'or elles sont souillées. Ça sent le tartuffe, l'avare, le gripsou. Voilà ce qu'on appelle des mains de filou. À Paris, rue du Bac, les chercheurs d'or du dimanche peuvent acheter le matériel nécessaire à leur activité d'orpailleur occasionnel. Quel matériel utilise-t-on pour trouver cet or ? Alors, pour trouver cet or, il y avait dans le temps du matériel qui était beaucoup plus élaboré, mais maintenant, ça ne pourrait plus se faire, parce que les gens qui font ça ont toujours de petits moyens. Alors, le matériel qui reste toujours le plus utilisé, c'est ou la battée ou le pont américain. La battée est un engin conique en métal d'une cinquantaine de centimètres de diamètre, en forme de chapeau chinois inversé. En France, c'est encore la battée qui domine pour l'utilisation. Le pont américain, les gens ont un certain refus, mais quant à la manière de s'en servir. Or que la battée, les gens préfèrent ça. Comment est-ce qu'on travaille avec une battée ? Alors la battée, si vous voulez, vous prenez un peu de sable dans sur le bord de la rivière, en squattant, vous souhaitez dans une région quand même où il y en a un peu, le sable, l'eau, et puis vous donnez, si vous voulez, à votre battée un certain sens giratoire. Alors comme la battée a des pans inclinés par la force centrifuge, l'eau, en se mettant à tourner, grimpe sur les parois, vous voyez, et entraîne petit à petit les particules les plus légères. Vous continuez à tourner de plus en plus vite, de par la force centrifuge, tout ça, ça grimpe sur ce qui sert de rampe, en fait, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis, alors, les matières légères, s'en vont avec l'eau, restent dans le fond, hein, ce qu'on appelle les minéraux lourds. Alors, il peut y avoir de l'or, mais alors, surtout composé de pyrite, de magnétite, d'hématite, enfin de tout ce qu'on appelle, nous, les minéraux lourds. Alors ensuite, ce petit fond de battée est traité au mercure pour amalgamer l'or. Et l'or, après, il est passé à l'alambic. Enfin, l'amalgame plutôt est passé à l'alambic. On récupère les vapeurs de mercure d'un côté et ce qui reste, c'est l'or. Est-ce que parmi les orpailleurs qui viennent vous voir, il y en a qui vivent de leur trouvaille ? Oui, personnellement, j'en connais trois qui en vivent honorablement. Si vous voulez, c'est des gens qui ont la veine à l'époque où on vit d'avoir un travail libre, sans contrainte, à l'air. C'est en général dans des régions qui sont toujours très belles, mais loin des grandes routes. Je crois qu'actuellement, c'est encore la belle aventure. Je reviens aux orpailleurs qui viennent vous voir. Il y a les deux ou trois professionnels dont vous parlez, qui en vivent et qui en vivent assez bien. Donc. Oui, j'en vis bien. Je sais que je travaille déjà avec eux. Bon, c'est honnête. Hein. Mais je ne souhaite pas vous citer le chiffre. Ils voyagent un peu partout. Ils vendent ça comme ça. Ils vendent leur petite production. Et c'est un artisanat. Hein. Ils se promènent avec leur petit sac de poussière d'or et puis ils vendent ça au trébuchet ou quoi, à l'ancienne. Et en dehors de ces trois orpailleurs, est-ce qu'il y a aussi d'autres chercheurs d'or? Bon, alors les autres chercheurs d'or, c'est les gens, c'est ce que j'appelle les chercheurs d'or du dimanche. Bon, où c'est la petite réussite, où c'est le dégoût total, hein. Parce que il faut quand même pas oublier que ça se trouve quand même pas comme ça, brutalement, hein. Tout ce qui brille n'est pas de l'or, hein. Et puis l'or, en fait, que l'on trouve ne brille pas, mais comme l'or du bijoutier. Combien vous vendez de bâtés sur une année? Écoutez, bâtés, sur le plan amateur, disons que je dois en vendre à peu près un millier. Hein? Mais professionnels, alors, hein, les gens qui commandent ça, les agences de mine qui commandent ça, ça se remet entre 4 et 5 000. Parce qu'il y a toujours des firmes minières qui travaillent à la bâtée, tout le temps. Hein? Ça se fait toujours. Ça fait peut-être un peu archaïque, mais il y a des coins, il n'y a que ça qui est bon. Et vous êtes combien d'entreprises dans le monde un peu spécialisées dans ce domaine? Ah, écoutez, alors, avant de débattre, je crois qu'il doit y avoir trois firmes aux États-Unis. Et puis, en France, on est les seuls. Puis je crois qu'en Europe, à ma connaissance, il n'y en a pas. Pour quelqu'un qui veut se lancer dans l'orpaillage du dimanche, à combien lui revient le matériel? Écoutez, la bâtée coûte 45 francs. Hein, c'est tout. Hein? Si vous coûtera plus cher, c'est encore l'essence pour se rendre sur place. Hein? Est-ce que le nombre d'acheteurs de bâtés a augmenté ces dernières années? Oui, ça a augmenté il y a 7-8 ans. Est-ce que vous avez des amateurs mordus qui reviennent absolument enthousiastes? Ah oui, c'est arrivé. Il y a des gens qui reviennent pour venir me faire voir la récolte. Bon, alors si vous voulez, il y a des gens qui reviennent, ils en ont de 3-4 grammes. Bon. Ils sont éreintés, de toute façon. Hein, et bon, mais il y a ceux qui reviennent puis qu'on a quand même fait, si vous voulez, 20-30 grammes. Il ne faut pas voir ça sur un plan de rentabilité financière. C'est surtout les gens, ils ont trouvé de l'or. Ils ont vécu la grande aventure. Et c'est ça. C'est ça. Alors, ils partent à la campagne, ils ont un but. Hein. Ce ne sont pas les errements du dimanche dans la forêt de Fontainebleau. Et puis, ils sont tranquilles dans leur coin. Les 20-30 grammes maximum donc on peut récolter comme ça pendant ces vacances, ça représente combien d'argent? Il n'y a pas de cours pour nous. Pour nous, hein. Les gens ne le font pas, mais pour la valeur, vraiment. Hein. Mais ils ont trouvé de l'or, leur or. C'est la grande aventure qui... C'est continue. Ça. Ils ne le font pas, mais pour dire, c'est un profit. Mmh. À part ceux qui le font vraiment, mais pour en vivre, mais les autres... ils n'y croient pas, hein. Ils n'y croient pas. Mais quand ils partent, ils viennent, ils rigolent. Ils rigolent, hein, parce qu'ils ont peur de passer, pour dire ridicule. Puis ils voient qu'ici, on les prend quand même au sérieux. Hein, ils arrivent, monsieur, pourrais-je avoir une bâtée? En fait, ils disent ça doucement. Fait qu'ils ont peur que les autres personnes qui sont dans la boutique se retournent. Puis, mais rigolent à bon coup. L'or est très disséminé dans des filons de quartz, en principe. Hein? Bon, avec les chamboulements terrestres, tout ça s'est trouvé corsé, pulvérisé, réduit à des morceaux gros comme la tête, petit à petit, comme des morceaux gros comme le poing, après, mais gros comme une bille. Et puis, tout ça, ça passe au concasseur dans le fond des rivières, au milieu des galets, puis tout. L'eau, ça circule là-dedans, ça remue tout ça, ça brasse, ça écrase, ça pulvérise, et puis, il reste des petites choses. Parce que au départ, les filons de quartz qui contiennent l'or, c'est fin, de toute façon. Hein? C'est pas la Californie. Ou là-bas, ils trouvent encore des pépites de belle taille. Les pépites comme un petit pois, mais comme un haricot, comme une petite noisette. Ça se trouve... C'est pas un accident. En France, j'ai un petit pois, c'est très très bien. L'or, ça monte et ça baisse. L'or, ça monte et ça baisse. L'or. Ça monte et ça baisse. C'était l'épopée des matières premières. Une suite d'émissions d'Olivia Zemmour, Michel Pierre et Daniel Wolfram, réalisée par Olivier Dorère. Aujourd'hui, l'or. Avec la participation de Gustave Thomas, ancien chercheur d'or en Guyane, M. Vinchon, numismate à Paris, Paul Sédillot, historien, Albert Cohen, économiste, M. Georges, de la maison d'Hérolles, dernier vendeur européen de Batay. Prochaine émission, le blé. L'or, sa monde et sa baisse, la rue des abbesses, aussi. L'or, ça sent la légume, et je m'en parfume au lit. Mila, je suis de l'argent qui dort. De la foutaise, si tu veux de la braise, prends-moi. Je couche et je me réveille au cours de la veille, et ça. Wall Street que tu l'auras. L'or, c'est noir en Afrique, rouge en Amérique, on dit. Nous, on n'est pas racistes, mais on est artiste aussi. Depuis Napoléon et Saint-Louis, là, puisque tu m'en offres, je t'ouvre mon coffre. Paradis d'or, je suis une louve, mon or je le couve la nuit. Demain il aura fait les petits. Ça baisse le prix des caresses aussi. Cette émission a été diffusée la première fois le 18 août 1980 sur France Culture. À suivre. Vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr.